بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Chapitre numéro 33 à propos de la parole d'Allah. Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Les gens perdants se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. مناسبة الباب لكتاب التوحيد. أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن ينبه على محظورين وذنبين عظيمين هما الأمن من مكر الله تعالى والقنوط من رحمته سبحانه وتعالى. أيضا من هذا الباب أراد أن يبين وجوب الجمع بين الخوف والرجاء، وهكذا يسير المؤمن إلى الله تبارك وتعالى. L'auteur a mis ici ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid afin d'attirer notre attention et de nous mettre en garde contre deux graves péchés. Le premier, le fait de se sentir à l'abri du châtiment d'Allah, le fait de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah. Le mot en arabe c'est al-makr, et on l'expliquera inshallah ta'ala. La deuxième chose est le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah. Désespérer de la miséricorde d'Allah. Donc ces deux choses-là nuisent au tawhid de la personne et diminuent la foi du serviteur. Il a aussi cité ce chapitre afin de nous enseigner que ce qui est obligatoire pour le croyant, c'est de se diriger vers Allah tabaraka wa ta'ala en unissant entre la crainte et l'espoir. Tu dois unir entre la crainte et l'espoir. سبق الكلام على الخوف. فلنوضح أمر الرجاء. Donc nous avons parlé dans un chapitre passé de la peur. Ici nous allons détailler ce qui concerne الرجاء, l'espoir. فالرجاء طمع الإنسان في أمر قريب المنان. الرجاء, je peux traduire cela en français par l'espoir. C'est le fait d'espérer l'obtention d'une chose qui est à notre portée ou qui est proche. وكيف يظهر الرجاء في قلب المؤمن وفي أفعاله. Et comment se manifeste l'espoir du serviteur dans son cœur, sur sa langue et ses membres. فالرجاء ملاحظة سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وحسن ظن به والطمع فيما عنده في قبول الحسنات ومغفرة السيئات مع التجاوز عنها. Donc l'espoir du serviteur concrètement, comment est-ce que ça se manifeste? Qu'est-ce qu'il nous faut avoir pour mettre en pratique cette adoration? C'est le fait que le serviteur se rende compte de la vasteté de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. qu'il ait la certitude quant au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a embrassé de sa miséricorde toutes choses. Et que sa miséricorde est plus grande et plus vaste que toutes choses. Il doit également avoir une bonne opinion d'Allah, le pardonneur, accueillant repentir, tout miséricordieux. Et espérer, lorsqu'il fait une bonne action, qu'Allah l'accepte de lui et le rétribue. Espérer, lorsqu'il fait une bonne action, qu'Allah l'accepte de lui et le rétribue, le récompense. Tout comme il espère qu'Allah lui pardonne ses péchés, lui efface ses fautes et ne le châtie pas pour cela en s'éloignant des péchés. Voilà concrètement comment se manifeste Ar-Raja, l'espoir. Tu fais une bonne action, t'espères qu'Allah l'accepte. Délaisse les péchés, t'espères qu'Allah ne te châtie pas et te pardonne pour tes péchés, ou te pardonne tes péchés. Tout cela, le cœur rempli d'une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et de certitude quant à la vasteté de la miséricorde d'Allah azza wa jal. Et ces sens-là nous viennent dans le Coran, tantôt avec l'appellation de Ar-Raja, tantôt avec l'appellation de Ar-Raghba, et tantôt avec l'appellation de Al-Tama'a. Ces trois mots manifestent les sens cités précédemment. Et chaque mot est différent de l'autre. Mais il y a un sens commun, ce que vous venez d'entendre. قال الله سبحانه إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. الله سبحانه وتعالى من سورة الشعراء nous espérons ou nous convoitons que notre Seigneur nous pardonne nos fautes pour avoir été les premiers à croire. Saharatu Fir'aun, les sorciers de Pharaon, après s'être repentis devant les signes manifestes avec lesquels sont venus Moussa alayhi salam, ils se sont repentis du shirk, du kufr, de la sorcellerie et sont tombés prosternés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Leur foi a atteint un niveau tel qu'ils n'ont plus du tout peur de Fir'aun, celui qu'ils adoraient pourtant auparavant. La veille, ils l'adoraient. Et au matin, ils ne le craignaient plus, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Pharaon les a menacés pour leur tawhid et leur islam, ils lui ont dit, fais ce que tu veux. Il leur a dit, je vais vous couper les membres opposés. Ils lui ont dit, fais ce que tu veux. Nous convoitons de la part de notre Seigneur qu'il nous pardonne nos fautes pour avoir été les premiers à croire. Ça, c'est Ar-Raja, l'espoir, après avoir fait un repentir et être revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Raja est dans un autre verset, وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. On espère de notre Seigneur qu'il nous joigne au nombre des personnes pieuses. Ar-Raja ibadatun azima. أثنى الله سبحانه وتعالى بها على أهل الإيمان وخلص الموحدين. Donc l'espoir est une adoration des plus grandes. Et une des caractéristiques par laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a vanté les mérites de ses serviteurs et fit leurs éloges. Il nous dit par exemple, يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورُ. Nous parlons des serviteurs pieux. يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورُ. Et dans un autre verset, إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Allah nous dit, après nous avoir parlé de nombreux prophètes et messagers, et de personnes vertueuses, ils se concurrençaient dans les bonnes actions et nous invoquaient avec désir et crainte. Et ils étaient remplis d'humilité. Donc c'est ainsi que doit se diriger le serviteur vers Allah tabaraka wa ta'ala. Le cœur rempli de crainte, mais aussi le cœur rempli d'espoir. Amma asbabu ar-raja, question qu'on pourrait se poser après avoir compris l'importance de cette adoration, la valeur des gens qui la mettent en pratique, comment faire pour développer cette chose dans nos cœurs? Comment faire pour renforcer ar-raja? Il y a plusieurs moyens, bihamdillahi azza wa jal, pour développer et renforcer ar-raja dans nos cœurs, afin que ça se répercute dans notre vie quotidienne. التعبد لله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته المشتملة على معاني الرحمة والرأفة. Premièrement, le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de l'invoquer à travers ses noms, renfermant l'essence de miséricorde, de mansuétude, de pardon. كاسم الله الرحمن والرحيم والرؤوف والغفار والغفور والودود كم لنا الله الرحمن تو ميزيريكورديو الرحيم تري ميزيريكورديو الغفور le pardonneur الغفار le grand pardonneur Al-Wadud, celui qui aime et est aimé. Et les noms qui renferment, et d'autres noms qui renferment ces sens. Celui qui étudie ces noms, et qui invoque Allah Azza wa Jal, du'a ibadah, qui adore Allah Azza wa Jal, selon le sens de ces noms, développera sans aucun doute son espoir. Celui qui comprend ce que signifie Ar-Rahim, Al-Ghafour. Comment est-ce qu'il pourrait ne pas espérer en Allah tabaraka wa ta'ala? Il sait qu'Al-Ghafour signifie celui qui a Al-Maghfira, celui qui a et accorde son pardon, celui qui, lorsque son serviteur faute, lui cache son péché. Deuxièmement, lui pardonne et lui efface son péché. Et troisièmement, il le met à l'abri des effets découlant à la base de son péché. Donc celui qui vit avec ce nom Al-Ghafour, comment est-ce qu'il pourrait désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal? Et dit ainsi pour les autres noms. La deuxième cause, مطالعة نصوص الوعد والتصديق بها. Le fait de lire les textes parlant de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs pieux. Et du pardon pour ses faibles serviteurs qui reviennent vers lui. Et des textes parlant de la grande miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Donc, il y a des textes dans le Coran et dans la Sunna qui nous citent les promesses d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثٌ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلٌ. Et qui est plus véridique qu'Allah en matière de paroles et de promesses. Allah annonce aux croyants des grandes récompenses, un pardon pour leurs péchés. قَالَ سُبْحَانَهُ وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Et annonce la bonne nouvelle aux croyants qu'ils auront de la part d'Allah de grandes choses, de grands mérites, de grandes récompenses. قال سبحانه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes, donc en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah en demandant pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés si ce n'est Allah? Et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Allah Azza wa Jalla nous cite la situation. Puis écoutez la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui reviennent vers lui. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Ceux-là, donc ceux qui ont fait de grands péchés, sont tombés dans les turpitudes. Mais après s'être rappelés d'Allah Azza wa Jal, ils se sont repentis. Ils sont revenus vers Allah Azza wa Jal. Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur. Ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Là, c'est dans sourate Ali Imran. Amma muta'allaqat al-raja. Ay ma yarju al-mu'min. Mada yurid. Fi mada yatma'a. Le point suivant, à quoi est rattaché l'espoir du croyant? En d'autres termes, qu'est-ce que nous espérons d'Allah? Qu'est-ce que nous désirons d'Allah subhanahu wa ta'ala? Premièrement, قبول الحسنات والإثابة عليها. Premièrement, l'acceptation des bonnes actions. Et la récompense pour celle-ci. Donc ton espoir, ce que tu recherches, premièrement, c'est quoi? Après avoir agi dans le bien, tu espères qu'Allah Azza wa Jal accepte ton action. Et tu espères qu'Allah Azza wa Jal te récompense pour cela. Wa yashhadu li dhalik, ou ala dhalik, jami'a an-nusus, ou jami'a an-nusus, التي فيها ذكر الاحتساب كقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان من قام ليلة القدر وهكذا. Donc tous les textes qu'on nous cite l'espoir de la récompense sont des preuves pour ce point-là. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit par exemple, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir se verra pardonner l'ensemble de ses péchés. Espoir de quoi? Hein? De la récompense. De la récompense. وأعظم ما يرجو المؤمن من الثواب على الطاعات وفعل الحسنات ورؤية الله سبحانه وتعالى والتمتع بالنظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. لذا قال الله سبحانه وتعالى فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Et la plus grande chose qu'espère le croyant comme récompense et comme salaire pour avoir adoré Allah Azza wa Jal et pour s'être soumis à lui, c'est le fait d'avoir l'honneur de contempler son noble visage subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la meilleure chose qu'espère le croyant. Et son espoir se développe le plus pour avoir cette récompense. Une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran, celui qui espère la rencontre d'avec son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions. Et n'associe personne dans le culte avec son Seigneur. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن لا يمنعنا النظر إلى وجه الكريم بذنوبنا. ثانيا نرجو من الله الغفار أرحم الراحمين مغفرة الذنوب والتجاوز Anha. La deuxième chose qu'on espère en Allah Azza wa Jal, c'est le pardon pour le péché et les fautes. قال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Allah nous dit dans le Coran, dit ô vous mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous appelle à ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah azza wa jal, quelle que soit la gravité, quel que soit le nombre des péchés commis, mais de revenir vers lui et de rechercher son pardon. Et dans un autre verset, والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Dans notre verset, si mes souvenirs sont dans la sourate Shu'ara, ce qu'Ibrahim alayhi salam dit, et c'est celui duquel j'espère le pardon pour mes fautes le jour des comptes ou bien le jour de la rétribution. وفي الحديث القدسي وفي الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. سبحان الله. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. Dans un hadith qudusi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ô vous mes serviteurs, vous commettez des fautes de jour ou de nuit comme de jour, vous commettez des fautes la nuit et le jour. Et je suis celui qui pardonne l'ensemble des péchés. Demandez-moi donc de vous pardonner, je vous pardonnerai. وفي حديث آخر في حديث أنس عند الترمذي قال الترمذي حديث حسن صحيح وهو آخر ما ذكر الإمام النووي في الأربعين. يا ابن آدم, حديث قدسي, يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah dit au fils de Adam, tant que tu m'invoqueras et espéreras en moi, je te pardonnerai tes péchés, quel qu'il soit, sans en tenir compte. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient le ciel et que tu venais à me demander pardon, je te pardonnerai. Ô fils de Adam, ça c'était la troisième phrase. La deuxième phrase, ô fils de Adam, si tu venais à moi avec l'étendue de la terre, de péché, ou proche de cela, en me rencontrant sans avoir commis de polythéisme, sans m'avoir associé quoi que ce soit, je viendrais à toi avec autant de pardon. Donc ce hadith nous montre que le serviteur doit, parmi ce qu'il espère, espérer les pardons pour ses péchés. وابن مسعود رضي الله عنه يقول قولا عظيما ومؤثرا. ابن مسعود رضي الله عنه nous cite une parole immense qui affecte grandement. Il dit: لا يغفرن الله يوم القيامة مغفرة ما خطر على قلب أحد ما خطر على قلب بشر. Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit que le jour de la résurrection, Allah va pardonner et accorder un pardon tel qu'aucun être humain n'a pu l'imaginer dans son cœur. Allah Azza wa Jal va accorder un pardon tellement immense yawm al-qiyamah que personne n'a jamais pu l'imaginer. وسفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول لو خيرت في الحساب في محاسبتي بين والدين وبين الله وبين ربي نعم لاخترت ربي فإن ربي خير لي من والدين. Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala nous dit: si on m'avait donné le choix pour le jugement dernier, pour faire mes comptes entre mes propres parents et mon Seigneur Allah, ainsi yawm al-qiyam, on m'avait dit: choisis par qui est-ce que tu veux juger, tu veux être jugé par Allah, tes propres parents ou bien Allah subhanahu wa ta'ala. Sufyan al-Thawri nous dit: j'aurais choisi Allah, car Allah est pour moi meilleur que mes propres parents. Voici ce qui habitait le cœur des salafs comme raja, comme espoir quant au pardon pour leurs péchés, alors qu'ils étaient que sur ceux qui avaient la plus grande crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une remarque pour finir cette introduction: الرجاء لا يكون محمودا إلا إذا اقترن بالعمل. الرجاء لا يكون محمودا ولا شرعيا إلا إذا اقترن بالخوف والعمل. Un point très important, afin de ne pas tomber dans l'illusion et ne pas se perdre dans le chemin qui mène à Allah Azza wa Jal, c'est de savoir que l'espoir duquel nous parlons ici dans ce cours, l'espoir qui a été cité dans les textes, ne sera pas considéré louable ni légiféré tant qu'il ne sera pas accompagné par la crainte et les bonnes actions. Celui qui dit j'espère, mais il ne fait rien, cet espoir n'est pas l'espoir cité dans les textes. Et il n'est pas l'espoir par lequel on fit les éloges, on a fait les éloges des serviteurs pieux dans le Coran. Mais c'est plutôt l'espoir qui est accompagné de la crainte. Car si la personne ne fait qu'espérer et perd la crainte, ou sa crainte est très faible, il va rester dans les péchés, se complaire dans les péchés, et se dire « Allah va me pardonner ». Jusqu'à finir en enfer, « Wal'iyadu billah » peut-être. Aussi, il lui faut agir et espérer. Non pas espérer seulement. Il fait des efforts. Il adore Allah. Il délaisse les péchés. Et il espère qu'Allah le rétribue pour son bien et lui pardonne ses fautes. C'est ça l'espoir. Donc il faut bien comprendre ce sens. Cheikh Salah Sindi, Hafidhahullah Ta'ala, a dit une belle phrase en disant Fa subhana jalla fi'ula, idh huwa al-makhouf ma'a 'idami rahmatihi. والمرجو مع شد مع شديد انتقامه. يعني nous les croyants nous devons unir, on a dit, entre la crainte et l'espoir. Le shir dit exempté soit celui qui est très élevé dans les cieux, c'est-à-dire Allah, celui qui est très élevé, c'est-à-dire Allah, du fait qu'il a uni entre être celui qu'on redoute, celui duquel on a peur, malgré sa grande miséricorde. Et c'est en même temps celui en qui nous espérons, malgré son grand châtiment. Donc, subhanallah, à la base, tu espères le bien d'une personne, ou bien tu crains son mal. Parce qu'elle peut te donner du bien, ou parce qu'elle peut te toucher d'un mal, avec la permission d'Allah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, l'Ahad al-Samad, al-Rahman, al-Aziz al-Jabba, lui, on espère en lui, malgré qu'il est dur en punition et en châtiment. Et on le craint, malgré qu'il soit accueillant repentir et pardonner. Et c'est que comme cela que le cœur du croyant pourra trouver la droiture et avoir les provisions nécessaires pour se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que de te diriger vers Allah azza wa jal, c'est avec le cœur. C'est avec le cœur que tu traverses al-dunya, puis al-akhira, pour entrer fil jannah. Et ce qui habite ce cœur va se refléter sur la langue et dans les membres. Comme a dit Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى جبلي لفن لفن الشيخ صالح السندي حفظه الله تعالى فلم يؤمن الصالحين ولم يقنط المسرفين. Il dit, il n'a donc pas laissé les gens pieux se sentir à l'abri, ni fait désespérer ceux qui ont commis de nombreuses fautes. Allah Azza wa Jal n'a pas laissé les gens pieux se sentir à l'abri. Il leur a ordonné d'avoir peur et a mis des signes pour qu'ils aient peur. Et il n'a pas non plus laissé les grands pécheurs désespérer de sa miséricorde. Il les a invités, il les a appelés à espérer en lui le pardon pour leurs péchés. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى أجمع العارفون على أن الرجاء لا يكون رجاء شرعيا إلا بالعمل. ابن القيم رحمه الله تعالى nous dit, l'ensemble des connaisseurs sont d'accord pour dire que l'espoir ne sera pas considéré comme tel religieusement parlant, si ce n'est en étant accompagné d'action. Allah nous dit, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ. Un verset très explicite dans ce sens. Allah nous dit, ceux qui ont cru, émigré, combattu dans le sentier d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah. Donc Allah Azza wa Jalla nous a décrit ceux qui espèrent sa miséricorde comme étant des gens qui agissent. Comme étant des gens qui agissent. Voici ceux qui ont un raja, ils agissent. Sinon, ça n'est que prétention et illusion. Comme ceux qui font de nombreux péchés, ne se repentent pas et lorsque tu les appelles à la salat et à ceci, à cela, ils disent Allah Ghafur Rahim. Na'am, Allah Ghafur Rahim. Et celui qui est Ghafur Rahim est celui qui a créé l'enfer. Et celui qui a menacé du feu de l'enfer les pécheurs. Et celui qui a fait sortir Adam et Hawa pour une seule faute du paradis. Et celui qui a viré Iblis de sa miséricorde et l'a inscrit en enfer jusqu'à Yomuddin pour une prosternation qu'il a refusée. Et celui qui a mis une femme en enfer pour un chat qu'elle a refusé de nourrir, elle l'a enfermé, elle ne l'a pas laissé sortir pour manger ni elle ne l'a nourri. Subhanallah. Donc, nous n'avons pas le droit de minimiser la faute, ni le droit de désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. نرجع إلى الكتاب قال المؤلف رحمه الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Prenez aussi les versets précédents. Lorsque vous mettrez votre cours au propre, c'est le verset 99. Prenez avec cela les versets passés pour bien comprendre le contexte. Afa'aminu makrallah. Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Al-damir yarji' ila man ila ahli al-qura. Donc ici on nous parle des habitants de la cité. Dans Sourate Al-A'raf. Afa'aminu ahli al-qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. أَوَأَمِنُ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُ مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les attendra pas la nuit, pendant qu'ils sont endormis? Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les attendra pas le jour, pendant qu'ils s'amusent? Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Istifhama litta'ajjub wal inkar. Ces phrases sont citées à la forme interrogative. Ça a pour but l'étonnement devant la grande faute de ces gens et le blâme. Et le blâme. Donc on voit ici qu'ils se sentent à l'abri du stratagème d'Allah la nuit tout en dormant. Et le fait qu'ils dorment, ça montre qu'ils n'ont pas peur. Parce que celui qui a peur ne trouve pas le sommeil. Et on voit la journée, on voit que la journée, وَهُمْ يَلْعَبُونَ, ils s'amusent. Donc ils ne craignent pas le châtiment d'Allah. Ils se sentent à l'abri et ça nous montre qu'ils ne sont pas dans la difficulté, car à l'heure où les gens travaillent, dans la matinée, eux, que font-ils? Ils s'amusent. Donc ils ont uni entre le fait, entre la journée et la nuit, dans Al-Amn min Makrillah. Comme Asti ibn Asim, rahimahullah ta'ala. Al-Makr. Ici, c'est traduit par le stratagème. قال ابن القيم هو إيصال الشيء إلى الغيب بطريق خفي. C'est le fait de toucher un autre par un moyen subtil et caché. D'autres savants ont dit التوصل لإيقاء ماذا إلى إيقاء الخصم بالخصم أو الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. Al-makr, c'est le fait de toucher ton ennemi d'où il ne s'y attendait pas. C'est le fait de toucher ton ennemi d'un moyen subtil donc d'où il ne s'y attendait pas. Par exemple, il y a un pays qui complote et se prépare à attaquer un autre pays, en pensant que cet autre pays n'est pas au courant. Ce deuxième pays se prépare et attaque le premier avant qu'il ne se fasse attaquer et déjoue le plan du premier. Comment est-ce qu'on appelle cela en arabe ? Al-Makr. Al-Makr. Donc tu touches celui qui le mérite avant qu'il ne réussisse à te nuire ou à faire le mal qu'il voulait. ومكر الله سبحانه وتعالى استدراجه به العبد بالنعم إذا عصاه وإملاؤه له حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. Et مكر الله, le stratagème d'Allah سبحانه وتعالى, c'est le fait qu'il laisse du répit aux pécheurs. Il leur donne de ses bienfaits, au point où ces derniers s'oublient et se pensent dans le bien et à l'abri du châtiment d'Allah Azza wa Jalla. Allah leur donne et il les laisse. Ces derniers se complaisent dans le mal, profitent des bienfaits d'Allah Azza wa Jalla jusqu'à être distraits de son châtiment, et à ce moment-là, Allah Azza wa Jalla les saisit et les châtie douloureusement. Hada ma'ana makrullah. Comme Fir'aoun. Pharaon, on lui a tout donné. La royauté de Misr. Des jardins et des ruisseaux qui coulaient sous ses pieds, comme il l'a dit lui-même en se vantant. Puis, il fut noyé et humilié. Hada min makrillah. Hada min makrillah. Entre dans makrullah, le fait que on donne aux serviteurs des bienfaits et il reste dans le kufr, dans les péchés, et lorsque tu l'appelles à la salat, il te dit moi j'ai tout, j'ai la santé, j'ai de l'argent, et il délaisse la salat. Puis Allah Azza wa Jal le châtie, au final Allah Azza wa Jal le châtie et il lui laisse du temps, puis au final il le saisit et le châtie douloureusement. Ça c'est makrullah subhanahu wa ta'ala. Al-Makr, donc sans rattacher cela à Allah Azza wa Jal, Al-Makr, stratagème, est de deux sortes. Il peut être louable et il peut être blâmable. Ça peut être une bonne chose ou bien une mauvaise chose. Celui qui est louable, Al-Mahmoud, huwa alladhi fu'ila ala sabili al-adl. Ay liman istahaqqa dhalik. Celui qui est louable, c'est celui qui est fait avec justice. C'est-à-dire dirigé vers ceux qui le méritent. Celui qui est blâmable, ma yatadhammanu kadhiban aw dhulman. Celui qui est blâmable, c'est celui qui comporte du mensonge ou bien de l'injustice. Donc tu touches une personne qui ne le méritait pas. Concernant Allah tabaraka wa ta'ala, jalla fi'ula subhanahu, huwa muttasif bi al-mahmud minhu faqat, wa lahu al-mathal al-a'la, wa al-asma' al-husna. Allah subhanahu wa ta'ala, min sifatihi al-muqayyada, allati tuthbat muqayyadatan faqat, kama jat fi al-nusus, al-makr. وَلَهُ مِنْهُ الْمَحْمُودِ فَحَسْبُ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a parmi ses attributs qu'on affirme de manière particulière, c'est-à-dire que dans des situations particulières comme cela a été affirmé dans le Coran, non pas de manière absolue, il y a Al-Makr. Et Allah azza wa jal a que ce qui est louable parmi ses noms et parmi ses attributs. Donc on dit Allah yamkur bil makirin, yamkur bil kafirin, yamkur bil zalimin. Mais on ne dit pas Allah yamkur. Point. Donc on ne dit pas Allah Azza wa Jal fait cette action sans préciser qu'il fait cette action envers ceux qui la méritent. Les injustes, les polythéistes, les pécheurs, et ainsi de suite. Ceci s'étudie dans les livres de Aqid. Comme le Wasiya, Ra'ad Mithla et d'autres. فمن صفات الله سبحانه وتعالى المكر بمن يستحق المكر به. Donc on trouve dans les textes, à chaque fois qu'Allah Azza wa Jalla cite cet attribut, il le cite de manière non absolue. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Il nous dit par exemple, ils ont essayé de faire un stratagème. Et Allah a fait un stratagème. Et Allah est le meilleur de ceux qui font des stratagèmes. Donc lorsqu'ils ont essayé de faire cela, Allah Azza wa Jalla a déjoué leur action et les a touchés avant qu'ils ne puissent faire ce qu'ils ont voulu. Voici le sens de Makrullah. Wa huwa khayrul makirin. Donc les mots en français me manquent. Stratège, na'am. Les mots en français me manquent pour exprimer ce sens. Et dans Sourate Al-Anfal, wa yamkuruna wa yamkurullah. Et dans Sourate النمل la fourmi, mais le verset numéro vient pas après l'histoire de Suleyman alayhi salam. Il y a un moment où makarna makra, j'ai oublié le début du verset. Allah subhanahu wa ta'ala fait cela avec justice. Et il y a la paix, cela nous fait apparaître de sa perfection. Dans cet attribut, ça nous montre de la perfection d'Allah Azza wa Jalla. Pourquoi? Car celui qui a cet attribut, avec justice, et touche ceux qui le méritent, c'est qu'il est juste. Et la justice est louable. Deuxièmement, ça nous montre Qudratullah subhanahu wa ta'ala wa izzatu wa sultanu. Deuxièmement, ça nous montre la toute-puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala et son pouvoir total sur ses serviteurs, et qu'il est parfaitement supérieur et capable de renverser ses ennemis. Car c'est ces gens-là essayent de nuire aux serviteurs d'Allah. Ils ont essayé de nuire aux messagers d'Allah. Ils ont essayé de nuire à un tel et un tel. Bah Allah Azza wa Jal les a humiliés, rabaissés, et il a protégé les croyants de leur mal. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que ce Seigneur qui a comme attribut al-makr bimay yastahiq dhalik est tout puissant, omnipotent. Il est fort. Il a la pleine capacité de défendre ses serviteurs. Jalla wa ala. Afa aminu makra Allah, se sent-il à l'abri du stratagème d'Allah? Fala ya'manu makra Allah, ne se sent à l'abri du stratagème d'Allah? Illa al-qawmul khasirun, ay al-halikun, si ce n'est les gens perdants, qui sont voués à la perte et à la perdition. Donc celui à qui Allah Azza wa Jalla a donné des biens et qui reste dans les péchés et qui oublie qu'il va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, celui-ci est par excellence le grand perdant. Allah musta'an. Wal makru bil kuffar wa iqa'u al-'adhab على حين غفلة منهم. Et le makr qu'Allah Azza wa Jal fait aux kuffars, c'est le fait qu'il les châtie alors qu'ils sont pleinement distraits de son châtiment. Comme dans les histoires des prophètes. Pharaon, ce qui lui est arrivé, le peuple de Houd, le peuple de Saleh, le peuple de l'autre, dans ce bas monde, mais aussi dans l'au-delà, mais aussi ce qui les attend dans l'au-delà. Et le makbil munafiqin également. C'est qu'ils se cachent, font semblant d'être parmi les croyants, font apparaître la foi et cachent le kufr, et pensent que personne ne sait cela. Puis Allah Azza wa Jal les dévoile par des caractéristiques, puis les abandonne yom al-qiyamah et met une séparation entre les croyants et les kuffars et enlève leur lumière et ils finissent par tomber en enfer. Hada min makrillah. Sallallahu subhanahu wa ta'ala arhamar rahimin et ahfadhana. Amma ahlul iman, après avoir entendu cela, on comprend que ahlul iman hum muttasifuna bil khawf min makrillah Azza wa Jal. Les gens de la foi ont le contraire de ces caractéristiques. Ils ont peur du stratagème d'Allah. Et ne sont à l'abri de cela que ceux qui ont une foi faible ou bien qui ont perdu leur foi. On doit donc avoir peur du fait qu'on a des péchés, qu'on reste dans nos péchés et qu'on repousse le repentir d'être touché par cela. وَمَنْ استرسل في المعاصي حتى نسي الله فأنسى نفسه الله سبحانه وتعالى ينساه ويتركه ويسلب عنه توفيقه. Et celui qui oublie Allah Azza wa Jal et son retour vers lui, Allah Azza wa Jal l'oublie, le délaisse et l'abandonne entre lui et son âme. Et celui qui a la charge de son âme, Khuzil, sera perdant. Aussi entre dans la peur de Makrullah le fait d'avoir peur d'être éprouvé. Là, je vous cite comment doit être le croyant. Il doit avoir peur du stratagème d'Allah. Quant au fait qu'il lui donne des bienfaits et que lui reste dans ses péchés, repousse le repentir, de peur qu'Allah ne le saisisse alors qu'il ne s'y attend pas. Deuxièmement, le croyant doit avoir peur d'être éprouvé par des choses, des malheurs et ainsi de suite, et qu'on ne lui accorde pas la patience. Il doit avoir peur d'être éprouvé et de ne pas avoir la patience. هذا شأن أهل الإيمان المتيقظين هم خائفون من مكر الله. Voici l'état des gens de la foi, ceux qui sont réveillés. Ne sont pas distraits. Ils ont peur du stratagème d'Allah. Et ça montre la grande foi du serviteur et le grand tawhid du serviteur. Et une erreur répandue dans ce chapitre, c'est que certaines personnes, lorsqu'elles veulent faire le rappel et faire peur au serviteur d'Allah Azza wa Jal, s'égarent dans ce chapitre en disant, en pensant que Allah Azza wa Jal yamkur bil muttaqin, yamkur bil mukhlisin as-sadiqin al-muttabi'in lin-nabiyyin, la Allah yamkur bil 'usat al-munafiqin al-kafirin al-zalimin ahl al-ma'asi. Donc ne pensez pas qu'Allah Azza wa Jal touche de son makr ceux qui sont pieux sur la droiture. Hein, ceux qui sont pieux sur la droiture. Non, Allah Azza wa Jal est bien plus miséricordieux que cela. Mais il touche de ce makr les kuffars, les mushrikoun, les mushrikines, les hypocrites, les gens des péchés. Allah Azza wa Jal, celui qui fait une bonne action, il est essentiel. Il le guide encore plus, augmente sa foi, pardonne ses péchés et lui facilite une seconde action. Celui qui fait cette seconde action et reconnaissant envers Allah, lui facilite une troisième et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on pourrait dire alors qu'Allah Azza wa Jal va toucher de son makr et saisir violemment celui qui est dans cet état? Ceci est une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa justice, de sa miséricorde. Donc la personne doit avoir peur de quoi? De ses péchés. Doit avoir peur de quoi? De repousser et de repentir. Allah dit dans le Coran, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Lorsqu'ils se sont détournés, Allah Azza wa Jalla a détourné leur cœur. فَالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. Allah Azza wa Jalla nous montre bien dans le Coran qu'il a envoyé ses prophètes, qu'il a comblé de ses bienfaits. Et lorsqu'ils ont oublié, et lorsqu'ils se sont détournés, à ce moment-là, Allah Azza wa Jalla les a cessés. Et tous les autres textes qui pourraient vous laisser entendre cela, il y a une explication qui nous montre que ce qu'on vient de citer ici est la vérité. Par exemple, le hadith, وَإِنَّ الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبُقُ عَلَى الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. Hadith Abdullah ibn Saoud, Sahihain. Et l'homme ne cesse de faire les actions des habitants du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le paradis qu'une coudée ou qu'un empan. Alors, il reste son livre le rattrape et il fait les actions des habitants de l'enfer et il finit par y entrer. Est-ce que ça veut dire que la personne est pieuse, sincère, elle a le cœur propre, elle suit la sunna? Et avant de mourir, Allah les gars? Non. D'autres textes et d'autres versions du même hadith nous éclairent sur cela. Fi ma yabdu linnas. Dans l'autre version, il ne cesse de faire les actions des habitants du paradis selon ce qui apparaît aux gens. Que veut dire cela? Qu'en vrai, dans son cœur, il y avait une impureté. En vrai, dans son cœur, il y avait un manque de sincérité. En vrai, dans son cœur, il y avait une maladie. Ben, avant de mourir, Allah Azza wa Jalla lui enlève le tawfiq. Et il finit par s'égarer. Et ce qu'il cachait prend le dessus sur sa personne. Et il agit finalement en fonction de ce que habitait son cœur. Donc il finit par entrer en enfer. Donc le sens de ce verset est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous cite l'état des gens de la cité, ceux qui ont démenti les prophètes et ceux qui les a poussés à mécroire. Le fait de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah. Le fait de ne pas avoir eu peur d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils sont alors restés dans leur péché et ont vu loin d'eux le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cet état est l'état des grands perdants dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ma'adha wa juli istidlal yani munasabatu al-ayati lil-bab. أن من صفات المشركين الأمر من مكر الله فيجب على المؤمن أن يتصف بضد ذلك وأنه لا يقع في هذا إلا القوم الخاسرون وأيضا الاستفهام في الآية دليل على الإنكار ودل على التحريم. Donc l'auteur a cité ce verset dans ce chapitre car on y voit que parmi les caractéristiques des associateurs, ceux qui ont démenti les prophètes, le fait de se sentir à l'abri du stratagème. Donc les croyants doivent avoir le contraire de cela. Ils doivent avoir peur du châtiment et du stratagème. Deuxièmement, on nous cite dans le verset que n'a ce défaut que les gens perdants. Donc ça nous montre que c'est une chose interdite. Troisièmement, cela a été cité sous la forme interrogative. Et cette interrogation a pour but le blâme. Ça nous montre que c'est une interdiction. Al-amru min makrillahi muharram wa min kaba'iriz dhunub. C'est interdit, ça rentre dans les grands péchés. Ma yustafad min al-aya at-tahdhir min al-amn min makrillah wa annahu min a'zami adh-dhunub. On tire de ce verset l'interdiction de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah et le fait que cela soit un des pires péchés. التحذير من الاستدراج. Celui qui n'obéit pas à Allah tabaraka wa ta'ala alors qu'Allah lui donne des bienfaits et repousse le repentir, ceci entre dans makrullah. Donc il doit faire attention. Astaghfirullah atubu ilayhi. Wa kam naqa' fi hadha. Allahu musta'an. ثم قال المؤلف وقوله ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. Second verset, Allah nous dit: et qui désespère de la miséricorde d'Allah, et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, sinon les égarés. Qu'est-ce qui me rappelle les deux sujets traités dans ce chapitre par l'auteur, hein? L'espoir et la crainte. Non. Comment? L'espoir et le stratagème d'Allah. Non. Ouais, le premier point, le fait de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah. Et le deuxième, non. Le fait de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah. D'accord? Le premier verset concernait quel point? Hein? Le fait de ne pas sentir, l'interdiction de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah. Et le deuxième verset, l'interdiction de désespérer de la miséricorde d'Allah. وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, sinon les égarés. فَهَذَا الْجَانِبُ الثَّانِي مِنْ بَحْثِ الْمُؤَلِّفِ هُنَا الْقُنُوطُ. القنوط قطع الطمع عن الشيء. القنوط c'est le fait de désespérer d'une chose. والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يستبعد العبد الفرج منه واليأس منه. Donc, que signifie « al-qunut min rahmatillah » désespéré de la miséricorde d'Allah? C'est le fait que le serviteur voit de loin, voit de lui très éloigné le secours d'Allah lorsqu'il se retrouve dans la difficulté et désespère de sa miséricorde. C'est compris? « Al-qunut min rahmatillah istib'adu al-faraj minhu wal-ya'as minhu. » Donc, c'est le fait de désespérer et de voir, c'est le fait de voir loin de soi le secours d'Allah, ainsi que désespérer de sa miséricorde. La personne voit d'elle très éloignée l'obtention de ce qu'elle recherche ou la délivrance du mal dans lequel elle se trouve. Ainsi, ça sera clair. L'obtention du bien qu'il recherche ou la délivrance du mal dans lequel il se trouve. Il se dit, Allah ne va pas. Il se dit avec son cœur, Allah ne va pas me sauver. Allah ne va pas me frayer un chemin. Allah ne va pas dissiper mes soucis ni mes peines. Allah ne va pas me faire mes affaires. Allah ne va pas me pardonner mes péchés. Après tout ce que j'ai fait. Et ainsi de suite. هذا حرام. Le fait d'avoir cette mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal, c'est haram, c'est une kabira. C'est un grand péché. Il y a une mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal dans cela. Qui sont ceux qui ont cette mauvaise caractéristique? Illa al-qawm al-dalloum. Les gens qui sont égarés. Al-murti'oun. Akhtaw tariq al-sawa. Ceux qui ont raté le droit chemin, le bon chemin. Sont égarés du droit chemin. Donc, celui qui tombe dans le désespoir devant la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et son secours est tombé dans un péché qui est très grave. Il a une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis ses noms Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Ra'ouf, Al-Wadud. Il a une mauvaise opinion de celui qui a secouru à Amada Nuhun alayhi salam contre tout son peuple. Il lui a permis de construire l'arche et de voguer sur la mer, alors que même les plus hautes montagnes n'ont pu préserver les serviteurs d'Allah Azza wa Jal, ni même son, le propre fils de Nuh, alayhi salam. Il a une mauvaise opinion et désespère de la miséricorde de celui qui a sauvé Hud alayhi salam contre son peuple qui était très fort. Il est celui qui a sauvé Saleh contre son peuple. Celui qui a sauvé l'autre contre ses ennemis. Celui qui a sauvé Ibrahim alayhi salam lorsqu'il fut jeté et catapulté dans le feu. Celui qui a préservé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsque les gens se sont unis contre lui pour mettre fin à l'islam et à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Subhanallah. Comment est-ce que tu pourras avoir une mauvaise opinion de celui qui a ces caractéristiques-là? Celui qui t'a raconté ces histoires dans le Coran. فَكَنَّهُ طَعْنٌ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ. C'est comme si c'était un manque de respect et un manque de considération envers la puissance, la toute puissance d'Allah Azza wa Jalla. Et celui qui arrive au niveau où il dit, où il pense qu'Allah Azza wa Jalla n'est pas assez fort devant ses nombreux péchés pour lui pardonner, ou que sa miséricorde n'est pas assez vaste, qu'Allah n'a pas, en d'autres termes, la capacité ni le pouvoir de lui pardonner, là il entre dans un domaine qui est encore plus grave, dans le kufr akbar. Celui qui pense qu'Allah Azza wa Jalla n'est pas à la kulli shay'in qadir, yani il peut tomber dans le kufr, malgré qu'à la base ceci est un grand péché qui diminue la perfection du tawhid. C'est aussi un manque de respect envers la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Allah nous dit ma miséricorde embrasse toutes choses. Et dans la vocation des anges, en sourate Ghafir, Rabbana wasi'at kulla shay rahmatan wa ilma. Faghfir lil ladhina tabu. Ô notre Seigneur, ta miséricorde et ta science ont embrassé toutes choses. Pardonne donc à ceux qui se repentent. Donc celui, après avoir compris ces deux points-là, premier verset, le deuxième verset, celui qui exagère dans l'espoir tombera dans quel grave péché? Non. Al-Amlimakrillah, se sentir à l'abri du stratagème d'Allah. Et celui qui dépasse les limites dans Al-Khawf, sans accompagner cela de Raja, tombera dans quel autre grave péché? Naam. Le désespoir. Al-Qunut min Rahmatillah. Al-Qunut min Rahmatillah. Ainsi, on voit que le serviteur doit se diriger vers Allah Azza wa Jal pour être en sécurité avec quoi? La crainte et l'espoir. Voici ce qu'a voulu nous faire comprendre dans ce chapitre l'auteur. Naam. Dans un autre verset, Allah nous dit Innahu la yay'asu min rawhillah illa al-qawm al-kafirun. Ne désespère du secours d'Allah, ne désespère que de Amada, ne désespère du secours d'Allah si ce n'est, ou bien sinon, les mécréants. Donc, le sens du verset cité, وَمَا يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّي إِلَّا الضَّالُّونَ. Pour mieux le comprendre, il faut le contexte. C'est lorsque les anges sont revenus voir Ibrahim a.s. alors qu'il était avec Sarah. D'accord? Mada, ils lui ont annoncé la bonne nouvelle d'un enfant. Ibrahim alayhi salam avait un âge très avancé. Et Sarah était stérile. Elle n'avait jamais enfanté. Donc ils ont annoncé la bonne nouvelle d'un âge. Il a répondu, Abashartumuni ala massani al-kibar. Fabima tubashir. Est-ce que vous m'informez de cette bonne nouvelle après avoir atteint cet âge avancé? Quelle est donc cette bonne nouvelle? قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. Nous t'avons annoncé une bonne nouvelle qui est véridique, ne sois donc pas du nombre de ceux qui désespèrent des bienfaits d'Allah, de sa miséricorde, ainsi de suite. Alors Ibrahim alayhi salam a voulu montrer qu'il n'a pas dit cela par désespoir de la miséricorde d'Allah, mais par étonnement. Mais par étonnement, c'est pour ça qu'il a dit « وَمَا يَقُنَاتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّ اللَّبَّالُّ » Et qui est-ce qui pourrait, c'est-à-dire je ne suis pas de cela, qui est-ce qui pourrait désespérer de la miséricorde d'Allah si ce n'est les égards? Est-ce que c'est compris? وَجُدَّ الدَّلَالَ Donc, مُنَاسَبَةُ الْآيَةِ لِلْبَابِ Quel est le rapport entre ce verset et ce chapitre? Pourquoi est-ce que l'auteur a mis ce verset sous ce chapitre? أن من صفات الضالين القنوط من رحمة الله. Car on y voit que parmi les caractéristiques des gens égarés, il y a le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah. ومفهوم ذلك أن المتقين متصفون بالرجاء وعدم القنوط من رحمة الله. Donc, on tire de cela que les croyants, eux, à l'inverse, ont le cœur rempli d'espoir quant à l'obtention de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne désespère jamais de sa miséricorde. Fawaidu al-aya, ce que nous pouvons tirer de ce verset, tahdhir min at-tahdhir wa at-tahdhir ou at-tahdhir wa tahrim al-qunut min rahmatillah wa annahu min a'zam adh-dhunub. On tire de ce verset la mise en garde et l'interdiction du fait de désespérer de la miséricorde d'Allah. Deuxièmement, le fait que c'est un grand péché. Donc il ne convient pas à la personne, quels que soient ses manquements. Donc on dit à nos frères et sœurs, quelle que soit ta faute, quel que soit ton passé, quelle que soit la gravité des péchés que tu as pu commettre, que les gens l'aient su ou ignoré, tu ne dois jamais désespérer de celui qui t'a créé, qui t'a donné ta subsistance, qui t'a guidé, qui t'a couvert, qui t'a appelé, malgré le fait qu'il connaisse tout ce que tu as fait, qu'il savait que tu allais le faire, qu'il t'a appelé à revenir vers lui, à lui demander pardon. Tu ne dois jamais désespérer, quel que soit le blâme que tu reçois des gens. Quels que soient les reproches, quel que soit le nombre de gens qui se sont détournés de toi, à partir du moment où l'espoir est entré dans ton cœur, la connaissance d'Allah Azza wa Jalla t'a touché, dirige-toi vers lui, délaisse le péché, sois véridique dans la recherche de son pardon, le cœur rempli d'espoir, et sache qu'Allah Azza wa Jalla efface toutes les fautes. Efface toutes les fautes. C'est celui qui a dit aux mécréants dans le Coran, « In tantawi ufar lahumma qad salaf » Dis à ceux qui ont mécru, s'ils arrêtent, c'est-à-dire s'ils arrêtent le shirk, le kufr, on leur pardonnera ce qui est passé. Subhanallah. Allah Azza wa Jal se fait aimer à ses serviteurs dans le Coran. Il les appelle, il leur cite ses bienfaits, il les appelle à son pardon. Donc quel manque de respect commettrait celui qui ne répond pas à cet appel? Et qui dit non, moi j'ai trop fait de péchés. Non, moi j'ai un passé. Non, moi je ne suis pas comme les autres. Non, moi ce que j'ai fait, ce n'est pas comme ce qu'ont fait les autres. Subhanallah. Subhanallah. N'avez-vous pas lu Surat al-Buruj? N'avez-vous pas vu l'espoir qu'Allah Azza wa Jal a permis d'avoir à des serviteurs qui ont creusé des tranchées, attisé un feu immense, châtié les serviteurs bien-aimés d'Allah Azza wa Jal en les jetant dans ce feu pour avoir dit la ilaha illallah. Malgré ça, Allah Azza wa Jal les appelle à revenir vers lui et leur promet le pardon des péchés. Subhanallah, est-ce que toi tu as déjà creusé et assassiné un peuple entier de croyants? Ces gens-là, Allah Azza wa Jal les appelle. Mais ils ont refusé. Mais ils ont refusé, alors Allah Azza wa Jalla les a châtiés. Quel est le verset? Inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'mina thumma lam yatubu. Subhanallah. Méditez ce verset. Allah Azza wa Jalla nous enseigne qu'ils ont creusé des tranchées. Vous connaissez tous le long hadith du jeune homme qui allait Mada, lorsque le sorcier a atteint l'âge avancé, il a dit au roi, amène-moi un jeune et je vais lui enseigner la sorcellerie. En chemin, ce jeune homme rencontrait une personne de science qui était sur le tawhid et il lui enseignait le bien. Il lui apprenait le mal, il apprenait le bien. Au final, il a penché vers le bien. Il est resté sur le tawhid. Les gens ont vu de ses miracles. Alors ils ont commencé à croire en Allah, en son tawhid. Il a été convoqué. On lui a demandé qui t'a enseigné cela. Il n'a pas voulu révéler le secret. Mais il s'est fait torturer jusqu'à désigner Mada, le monothéiste. Ils l'ont saisi et ils l'ont assassiné. Ensuite, ils ont dit au jeune homme, ils lui ont demandé d'apostasie. Il a refusé. Soit tu sors de l'islam, soit nous allons t'assassiner. Le jeune homme, le cœur rempli de tawhid, a dit non. Alors le roi a envoyé de ses gardes avec ce jeune homme en mer. Et il leur a dit, arrivez au milieu de la mer, demandez-lui de renier sa religion. Ou vous le jetez en mer, ou vous l'assassinez. Arrivé au milieu de la mer, ils lui ont dit de sortir de l'islam. Qu'est-ce qu'il a dit? Allahumma kfini bimashit. Oh Allah, suffis-moi d'eux par ce que tu voudras. Allah Azza wa Jalla a fait bouger là-bas, ou quoi qu'il en soit, il les a fait tomber en mer. Puis l'enfant est revenu seul. Où sont les gars? Allah Azza wa Jalla m'a préservé. Une dua, le cœur rempli de tawhid, regarde-les. Puis, le roi a ordonné à nouveau de ses gardes de monter au sommet d'une montagne et de jeter l'enfant du haut de la montagne s'il refusait de sortir de sa foi. Arrivé au-delà de la montagne, l'enfant a fait « Dua, ya Allah, préserve-moi d'eux par ce que tu voudras. » Allah Azza wa Jalla a fait tomber les gardes et l'enfant est revenu à nouveau. Subhanallah. Subhanallah, nusratullah li awliyahi al-muwahhidin. Puis, l'enfant a dit au roi « Tu ne pourras jamais parvenir à tes fins. » Et m'assassiner, si ce n'est en faisant ce que je veux décider. Et le roi voulait se débarrasser de lui, pour pas que son royaume disparaisse, et pour pas que les gens se dirigent vers un autre que lui. Alors il lui a dit, tu vas réunir l'ensemble des gens. Tu vas réunir l'ensemble du peuple. Tu vas m'attacher, tu vas prendre une flèche de mon carquois, tu vas me viser en disant Bismillah. Donc tu vas chercher l'aide auprès d'Allah, tu vas unifier Allah à travers cela. Le roi était tellement à la recherche de son but qu'il n'a pas médité sur la finalité. Alors il a réuni tout le peuple, il a pris cette flèche, il a dit Bismillah, et il a touché l'enfant et il a tué l'enfant. Il est mort. Lorsque le peuple a vu cela, ils se sont tous convertis à l'islam. Parce qu'ils ont vu le miracle, ils ont vu que seul Allah Azza wa Jal a pu donner ce résultat. Il s'est donc passé ce que le roi craignait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a contraints à l'apostasie. Ils ont refusé. Parce que ça, c'est pas un iman du suivi des parents seulement. C'est pas un iman avec taqlid. C'est pas un iman, on a trouvé ça quelque part. Non. C'est un iman avec le barahim, avec l'épreuve, avec le tadabbur, avec la méditation. C'est des signes d'Allah Azza wa Jal qui a fait que cette foi a pénétré les cœurs. Elle a été immense. Et comparer cela avec une autre histoire dans le Coran, l'histoire de Sahara et Fir'aoun, c'est la même chose. Avec le jeune homme, on a réuni tout le monde. Avec Saharat ou Fir'aoun, le jour du Eid, en plein, le matin, lorsqu'il y a tout le monde. Voyez? Ils ont refusé. Le roi les a menacés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé un grand trou, un grand fossé, une grande tranchée, qui a été allumée d'un feu ardent, immense, et on a mis les gens en ligne. Tous ceux qui ne veulent pas sortir de l'islam, vous sautez dans le feu. Les gens sont rentrés dans le feu. Ils ont refusé de sortir de l'islam. Ils sont rentrés dans le feu. C'est alors qu'une femme, tenant son enfant dans ses bras, un nouveau-né, a hésité à rentrer dans le feu. Allah Azza wa Jalla, encore une fois, a secouru sa servante qui est dans le tawhid. Subhanallah, un feu devant toi, derrière toi le roi et ses gardes. Qui peut te frayer un chemin? Qui peut t'accorder une issue si ce n'est Allah le Seigneur des mondes? Allah Azza wa Jalla a ordonné à l'enfant, au nouveau-né, de parler. Et l'enfant a dit à sa mère, « Isbir ya umma fa innaki ala al-haq. Patiente, ô chère mère, car certes tu es sur la vérité. » Alors la mère a été raffermie par son propre enfant et est rentrée dans le feu avec son enfant. Que pensez-vous qu'Allah Azza wa Jalla fera de ce peuple? Que pensez-vous qu'Allah Azza wa Jalla fera de ce peuple qui a préféré le feu de la dunya plutôt que le feu de l'enfer? Vous avez compris le mal qu'a fait ce roi, qu'ont fait ses gardes, Pourtant, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. Ceux qui ont troublé et châtié les croyants ainsi que les croyantes, puis ne se sont pas repentis, ils auront un châtiment de l'enfer et un châtiment brûlant. D'où est-ce qu'on tire le fait qu'Allah Azza wa Jalla leur a accordé l'espoir dans le verset? Naam. Puis ne se sont pas repentis. Al-Hasan al-Basri ou un autre parmi les salafs a dit Subhanallah. Subhanallah. Azzabu awliya'ah wa ahraquhum. Wa ma'a dhalik da'ahum Allah subhanahu wa ta'ala la tawbah. Hassan al-Basri nous dit, Subhanallah, ils ont châtié les bien-aimés d'Allah et ils les ont brûlés. Malgré cela, Allah les a appelés au repentir. Subhanallah, comment est-ce que toi, tu vas te dire, moi j'ai fait trop de péchés, moi je ne peux pas revenir vers Allah. Mais qu'est-ce que tu as fait de plus que... C'est lui qui a tué les 99 personnes, puis la centième. Il n'a pas désespéré de la miséricorde d'Allah, il a voyagé, il a fait la hijra pour aller vers Allah Azza wa Jalla, l'adorer dans quelques sens. Allah Azza wa Jalla lui a accordé le paradis, lui a pardonné ses péchés. Comment est-ce que toi tu pourrais désespérer? Les gens qui ont combattu le prophète sallam, l'ont insulté, ont fait couler son sang, n'ont pas désespéré de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ils se sont repentis à la fin, Allah leur a pardonné. Le prophète sallam n'a pas désespéré de la guider pour eux et n'a cessé de les appeler à l'islam. Et ça, ça entre dans le fait de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Quand tu fais da'wah au kuffar pour ceux qui se sont convertis et que leurs parents et dont les parents sont toujours dans le kufr, ils n'ont pas le droit de désespérer qu'Allah Azza wa Jal les guide et les touche de, de sa miséricorde. Le père de Abu Bakr, Abu Quhafa, Uthman, s'est converti à l'islam, Amil Fath, alors qu'il avait pratiquement perdu la vue et qu'il était âgé, il s'est converti à l'islam. Ne désespère pas de la miséricorde. Abu Bakr, lorsqu'il a vu cela, il a pleuré. Hassan lui a dit, pourquoi est-ce que tu pleures le jour où Allah guide ton père? Il lui a dit, parce que j'aurais préféré qu'Allah guide ton oncle Abu Talib et voir tes yeux se réjouir de l'islam de ton oncle. Hein? L'amour qu'Abu Bakr avait pour le prophète sallam au point de préférer que les parents du prophète sallam entrent dans l'islam plutôt que ses propres parents. Le prophète sallam, devant son grand caractère, a dit, pourquoi est-ce que vous avez fait déplacer le vieillard vers moi? Je suis plus en même de me déplacer vers lui. Ils lui ont dit, non, ya Rasulallah. Akala. Ce qu'on retient, c'est qu'on ne désespère pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même le vieillard qui a passé toute sa vie dans les péchés, il entend parler de l'islam, il entend parler de la tauba, il revient vers Allah Azza wa Jal, qu'il sache qu'Allah va lui pardonner tout son passé et va lui accorder la réussite pour la fin. Au point où dans un hadith a été cité, le prophète sallam a reçu la vie d'un homme qui lui dit, tous les péchés ont été commis. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, les grands péchés, j'ai rien laissé. Le prophète sallam lui a dit, tu te repens. Et tu fais suivre cela de bonnes actions. Allah Azza wa Jal te pardonnera tes péchés. Il lui a dit, ya Rasulallah, les grands péchés, on n'a rien laissé. Et il lui a dit, les grands péchés et les petits. Alors les compagnons ont dit, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alors un homme a dit, et puis un homme a dit, ya Rasulallah, est-ce que la ilaha illallah fait partie des bonnes actions? Il lui a dit, la ilaha illallah, c'est la meilleure des bonnes actions. La ilaha illallah est la meilleure des bonnes actions. Là, c'est le hadith selon le sens rapproché. Wallahu musta'an. Ça, c'est un sujet très vaste et qui est ô combien important pour nous, pour moi du moins faible serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala rempli de péchés. As-salallahu yatubu alayna wa alaykum wa yaghfirana wa lakum minna wa tawwabu al-ghaffar arham ar-rahimin. Donc nous avons l'interdiction de désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui tombe dans un grave problème, Ne désespère donc pas de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla te secourera tôt ou tard. Soit juste par sa miséricorde, subhanahu, soit par tes bonnes actions du passé. Par exemple, dans l'histoire de Yunus, walaula an kana minal musabbihin labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Ma'a kadi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna wa najaynahu minal gham. Yunus alayhi salam, Allah azza wa jalla à son sujet, et s'il ne faisait partie du nombre de ceux qui louent beaucoup Allah, en savant dit qu'il faisait beaucoup la prière, il serait resté dans le ventre du poisson jusqu'au jour de la résurrection. Yunus alayhi salam n'a pas désespéré du secours d'Allah. Wa dhanna an lan naqdir alayhi. Il a eu la certitude quant au fait qu'Allah n'allait pas l'abandonner. Il a invoqué Allah avec le tawhid. La ilaha illa ant. Ne limitez ni mérite véritable ou notre Dieu si ce n'est toi. Subhanak. Exempté sois-tu de tout défaut. Il était certes du nombre des injustes. Nous l'avons répondu. Et nous lui avons enlevé ses soucis. Donc celui qui veut qu'on lui enlève ses soucis, il arjia ila Allah ila tawhid illa subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il y a une difficulté plus difficile que celle-ci? C'est dans les ténèbres de la mer, dans les ténèbres de la nuit et dans les ténèbres du ventre d'un poisson, dans les fins fonds de la mer. Malgré ça, il n'a pas désespéré du secours d'Allah. Comment est-ce que toi, tu es sur la terre, en plein jour, tu désespères de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ou avec cette dua, comme le jour de la bataille de Badr, a invoqué Allah Azza wa Jal, puis Allah Azza wa Jal l'a secouru, l'a préservé. Le jour de la bataille de l'Ahzab, comme tout cela a été cité dans Sahih al-Bukhari. Donc on tire en unissant ces deux versets, Wujub al-Jam'a bayna al-Khawf wa al-Raja, l'obligation d'unir entre la crainte et l'espoir. Tu ne dois pas faire prévaloir l'espoir sur la crainte, sinon tu vas tomber dans le fait de te sentir à la sécurité du châtiment d'Allah, et tu ne dois pas faire prévaloir la crainte, sinon tu vas tomber dans le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois plutôt unir entre les deux choses. Pour conclure, quelles sont les causes qui, il reste un hadith après, quelles sont les causes qui font tomber la personne dans le désespoir devant la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? أسباب القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى أولا الإسراف في المعاصي والتمادي فيها. Premièrement, le fait de faire trop de péchés. Le fait de faire trop de péchés, d'être toujours dans les péchés, de rester dans les péchés, de passer d'un péché à un autre, d'ouvrir une porte puis une autre, au point de d'y rester. Alors, Shaytan vient à ce serviteur et lui dit, tu as fait trop de péchés, tu ne peux plus te repentir. Toi, tu crois qu'Allah va te pardonner? Regarde ce que tu as fait. Et ce que tu as fait. Et depuis tant d'années, tu fais tel péché. Et tu es tombé dans tel péché. Tu crois qu'à toi, un serviteur sale comme toi, Allah va te pardonner? Alors, la personne désespère de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première cause. Faire trop de péchés. Découlera de cela, Shaytan va venir et lui faire croire qu'il ne peut plus se repentir. Alors il va désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et va arrêter de faire les causes. Il va arrêter de se battre contre son nefs. Tant que tu te bats contre ton nefs, c'est dans le bien, contre Shaytan. Tu tombes dans le péché, tu restes pas à terre. Tu te relèves, tu fais dua, tu fais des causes. Demain tu recommences, tu désespères pas. Tu reviens vers Allah à nouveau. Après-demain, tu recommences, tu te bats encore et tu continues et t'invoques Allah. Tu t'éloignes du mal, tu fais les causes, tu demandes de l'aide jusqu'à arriver Yom Al-Qiyam et Inch'Allah avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui fait vraiment les causes, Allah le secourt. Deuxièmement, al-mubalaghatu fil khawfi ma'a dha'fi ar-raja. Deuxièmement, exagérer dans la peur d'Allah et de son châtiment avec une faiblesse dans l'espoir. Donc il développe grandement sa crainte, sa peur, mais il a un faible espoir. Mais il a un faible espoir. Celui qui dépasse les limites dans la peur d'Allah Azza wa Jalla, au point d'en abandonner l'espoir. Voici une des grandes causes qui fait tomber les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le désespoir. Il se dit alors, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas me pardonner mes péchés. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas avoir pitié de moi. Allah subhanahu wa ta'ala ne m'accordera pas le paradis. Ceci entre dans les causes de quoi ? Qui font tomber les gens dans quoi ? Al-qunut min rahmatillah. Quant aux causes qui font tomber les gens dans le fait de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah, c'est le contraire. C'est le contraire. Al-istirsal fil ma'asi hatta yadmahil al-khawf fi qalbi wa fayaman min maqlidah. Donc, ce qui fait tomber les gens dans le fait de se sentir à l'abri du châtiment d'Allah et de son stratagème, c'est le fait pareillement de continuer, de rester dans les péchés, de faire beaucoup de péchés, en ayant beaucoup d'espoir et en enlevant la peur d'Allah. Il fait tellement de péchés qu'il oublie la peur d'Allah. Et il se dit, Allah va me pardonner, Allah va me pardonner, Allah va me pardonner. Au final, il se sent à l'abri du châtiment d'Allah. La deuxième cause, يغتر بنفسه وبطاعته فيتكي على نفسه حتى يضعف الخوف من الله عز وجل في نفس الخوف من الله سبحانه وتعالى فيأمن من مكر الله. La deuxième chose, c'est que la personne se regarde que de son bon côté, au point de se voir pieuse, la meilleure des personnes, la plus pieuse, la plus savante. Hein? Alors il se repose sur sa piété. Il dit, moi j'ai fait ça, moi j'ai donné ça à un tel, moi j'ai aidé un tel, moi j'ai appris ça, moi je fais des durous, moi je suis un talib ilm, moi j'ai fait le hajj à tel âge, j'ai fait ça pour ma mère, ça pour mon père, j'aurais construit une maison, j'ai payé le hajj à un tel, j'ai financé telle chose, et ainsi de suite. Alors il en oublie ses péchés et se considère comme étant une personne pieuse, la meilleure. Alors il oublie la peur et il oublie makrallah. Donc il tombe dans cela. Comment soigner ces deux maladies ? Ma'rifatullah wa tawhidu. La connaissance d'Allah à travers ses noms et ses attributs. Ce qui développe la crainte, ce qui développe l'espoir. Deuxièmement, al-ikthar min qira'ati al-Qur'an. Beaucoup lire le Qur'an, car dans le Qur'an, on te cite les gens du bien, puis les gens du mal. Les défauts des gens du, les qualités des gens du bien, puis les défauts des gens du mal. La finalité des gens du bien, la finalité des gens du mal. Donc tu seras entre la crainte et l'espoir. Aussi, tu vas voir l'ion d'Allah Azza wa Jal qui développe l'espoir, l'ion d'Allah Azza wa Jal qui développe la crainte. Tu vas vous dire, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, ar-Rahman ar-Rahim. Mais juste après, Malik Yawmiddin. Malik Yawmiddin. Donc tu unis entre la crainte et l'espoir. Puis, il y a deux hadiths. Inch'Allah, on les citera demain. Wa as'alullaha akram al-akramin al-ghafour al-ghafar أن يمن علينا بإيمان كامل والصدق معه وأن يحفظنا وأن يعصمنا من الأمن من مكره ومن القنوط من رحمته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكنن من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.